quand j'étais petite, déjà je l'appelais la maison du vent. Il y avait toujours un courant d'air, il y avait toujours du vent. Quand il y avait un ballon sonde mis au-dessus, le vent s'arrêtait. Et ils soupçonnaient qu'ils arrêtaient des unités, voyant le ballon sonde, en disant peut-être qu'on va éviter de montrer tout ce qu'on pollue. C'était les soupçons de mon père. Quand on sent un risque, moi c'est ça qui m'a fait durer longtemps quand même. Parce que je sens un risque sur l'agglomération bruxelloise et je me dis, j'ai pas le droit de me taire. Quoi. Je sais qu'il y a un risque, je sais qu'il y a un risque grave, même s'il est peu probable. Et est-ce que j'ai le droit de me taire? Est-ce que j'ai le droit de baisser les bras? Quoi. Voilà. Il y a des équipes qui m'ont vraiment engueulé en disant mais comment vous laissez faire ça pour les gens du coup on est vu vraiment comme quelque chose de nocif etc. Donc ça a vraiment fait bouger tout le monde mais aujourd'hui je passe devant tous les jours et tous les jours je me dis ah oui c'est vrai que moi pour les riverains je suis vue comme quelque chose de toxique en fait. Alors qu'avant je m'en rendais pas spécialement. Qu'est-ce que la qualité pour les industriels? La qualité d'eau pour les industriels, c'est pas de calcaire. Donc, on sait, par exemple, on est dans une usine chimique, on a des chimistes à disposition, bien qu'il n'y en ait pas beaucoup, mais on sait, par exemple, l'eau de la Romanche est super bonne, puisqu'elle a très peu de calcaire. L'eau du Lac est super dégueulasse, parce qu'elle a plus de calcaire. Et quand tu vois les deux eaux, l'eau du Drac est magnifique, et la Romanche est dégueulasse. Mais c'est la dégueulasse qui est bonne. Tout est relatif en fait. Quel que soit l'outil de radiesthésie, il n'a aucune importance. C'est le corps qui reçoit une information, qui sent qu'il y a quelque chose qui se passe, et l'outil n'est qu'une espèce de traduction de ce que le corps ressent. Ouais. Tu saches que, parce que des gens ils me disent, bah ouais, quand je prends des baguettes, ça fait ça, ça bouge, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, j'en sais rien, moi, ça dépend. Tu pensais à quoi en fait? Donc en fait, il faut que la question soit hyper précise, le plus précise. Par exemple, si tu cherches de l'eau, bah, c'est quelle eau que tu cherches? Stagnante, circulante, dans un tuyau, naturel? Et si t'as pas la même question, bah évidemment deux personnes vont trouver des choses différentes. Tu vois, si tu cherches juste de l'eau, c'est vague. Donc plus la question est nette et précise, plus t'es concentré, plus la réponse est propre et nette.